comme dans les polaires de série B. Ça va cartonner, ceci est un attentat, nos rêves en une chair. La mitraillette est dans la boîte à gants, les mamouettes sur le volant. Comme dans les polars de CV, ça va cartonner. Ceci est un attentat, ne revendiquez. Voici l'étoile jaune. Deuxième à droite direction Moscou Airlines. On est les justiciers de l'éternité. Voilà les soldats, ta ta ta ta. Comme dans les polaires de série B, ça va cartonner. Ceci est un attentat, nos rêves vont liquer. Après la tour des voitures, une faction noire. Un tir repéré devant la ville, c'est plié vers le quartier latin. Sans interdit, dérapage incontrôlé. Passer.